On va s'écouter le petit Roosevelt avec ils ont pris mes fesses pour un trou noir, c'est pas mal. Et les partouzes martiennes avec tes grosses antennes m'excitent la magma cochon. Pensez-vous communiquer avec un extraterrestre sur l'internet, un auditeur potable. Pédard, s'il te plaît, tu m'éteins le double bar. Dernière question, est-il possible d'avoir des relations sexuelles avec un extraterrestre? Est-ce qu'on pourrait revenir un peu dans le débat? Parce que moi j'aimerais bien suivre un peu ce débat de merde. Ouais. Toi déjà pour commencer, tu vas fermer ta grande gueule. De merde, et tu vas faire ton boulot à l'arrière et c'est tout. Si t'es pas content, ça ne presse moi qui commande le jeudi, d'accord? Bon, donc on va faire conclusion du débat parce que ça m'énerve. C'est crâne. Conclusion au passage sur ton débat, il y a Yankee qui dit que comme TF1 a la gaffe et son extraterrestre Big Bill, Fun Radio a Max et le Big Beauf, alors tout est possible sans aucun doute. C'est terminé, le premier débat du jeudi par mois vient voir, on a foiré de tous les côtés, donc on y est, on fait la conclusion et c'est tout. Conclusion du débat, c'était le bordel avec Manu Fitter au standard comme à la... Demain matin. Avec